Voilà, c'est parti. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 45. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 24 septembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es SNCF, tu es l'inconnu du Nord Express, tu es wagon-lit, tu es grosse loco à vapeur, tu es garde-barrière et tu es aussi... S'il vous plaît, monsieur, le train pour Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché, là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es train sur le réseau ferré français. Ce week-end, notamment à Paris, sur la place du Trocadéro, la Société nationale des chemins de fer célèbre les 25 ans de son train à grande vitesse, fierté nationale de la technologie française. Désormais, en roulant parfois à plus de 300 km/h, le TGV donc a carrément détrôné l'avion, dis donc, sur certaines destinations. Alors, à l'heure où la saucisse orange souffle ses 25 bougies avec succès, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de se lancer à toute vapeur sur les voies du réseau ferré. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle du chemin de fer. Pour commencer, du train à vapeur au TGV, il faut retracer l'histoire de ce moyen de locomotion terrestre et mythique. Ensuite, nous nous intéresserons aux différents personnages que tu peux croiser dans un wagon ou dans une gare. On enchaînera sur une petite surprise de Fabrice Lucchini qui viendra nous raconter à sa manière, bien sûr, l'étrange histoire de l'écrivain Tristan Bernard dans son wagon de première classe. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons cette mystérieuse affaire qui s'est déroulée dans le train qui conduisait les dirigeants socialistes à Lens le week-end dernier. Et enfin, te raconter ce voyage de nuit rocambolesque qu'ont vécu Monique et Jean-Claude dans un train couchette il y a quelques semaines. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le départ est imminent. Allez, en voiture, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et prends garde à la fermeture automatique des portes. C'est parti. Thank you. Long Train Running chante en 1973 les Doobies Brothers. La course du train est longue parce que les Doobies Brothers, autrement dit les frères pétards, ne doivent pas oublier que depuis 2005, tous les trains sont non-fumeurs, sans quoi c'est le contrôleur qui est en pétard. Alors cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc au réseau ferré français à l'heure où la SNCF fête l'anniversaire du TGV mis en service le 23 septembre 1981. Il faut dire que c'est seulement 7 ans plus tôt, en 1974 donc, que la SNCF avait retiré du réseau les anciennes locomotives à vapeur, dernier vestige des petits trains qui autrefois sillonnaient la campagne. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin, on le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain dans les prés. Il y a toujours des vaches, étonnées de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches, tchitchifou, tchitchifou, de fumée. L'histoire du train, c'est surtout l'histoire du progrès technique et de l'industrialisation. Bien que le rail existe depuis le XVIe siècle, c'est le passage de la traction animale à la traction mécanique qui marque la véritable apparition du train. C'est en 1825, en Angleterre, que la première ligne à vapeur est ouverte aux passagers. En France, il faut attendre le mois d'août 1837 pour que les premiers voyageurs se rendent en train de Paris à Saint-Germain-en-Laye. C'est donc au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, qu'est lancé le coup d'envoi de la prodigieuse aventure du chemin de fer. Une aventure qui transforme profondément l'économie, qui modifie la perception des distances, mais aussi qui bouleverse les paysages. En quelques décennies, la France se couvre alors de voies ferrées. L'État accorde des concessions à 6 grandes compagnies privées, comme par exemple le Paris-Orléans ou bien encore le fameux PLM, le Paris-Lyon-Marseille. Le but, c'est de desservir l'ensemble du territoire et le réseau passe de 3000 km au milieu du 19e siècle à 40 000 km en 1914. C'est énorme. Ainsi, il y a un siècle, l'homme du train, eh bien, c'était lui. Je suis un poseur de rail, tout comme l'était mon père. Je me suis mis au travail quand la mort lui dit vieux frère. Oui, hop, oui, hop. Au boulot, vaille que vaille, on creuse, on pioche et on taille, par les champs et la rocaille, l'immense route du rail. Et hop, et hop. Grâce aux poseurs de rail, la France est couverte de voies ferrées dès les années 1910. Le chemin de fer est alors le mode de transport dominant et c'est l'époque des trains mythiques comme l'Orient Express par exemple. Ce train de rêve fut mis en service en 1883 pour relier Paris à Constantinople en passant par de nombreuses grandes villes européennes. Ainsi, après un voyage de 2000 km, le voyageur parisien pouvait découvrir l'hospitalité orientale. Avec l'Orient Express, c'était possible. Tu me diras, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Salut monsieur. Bonjour monsieur. Ça va ? Oui, oui, oui, oui. Je voudrais une paire de chaussures en croco, c'est pas possible. Oui, les chaussures, voilà. Regardez, voilà. Voilà. Vous voulez le cirage avec ? Non. Non, je voudrais la petite pendule plaquée or, là, puis aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech ? Oui, oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison ? C'est possible aussi ? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande, en plus des cacahuètes, oui. Le costume bleu là qui est joli, oui. Et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible. Oui, oui, bien sûr, voilà, regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi ? Oui, oui. La SNCF, si possible. Ils sont forts, ces Arabes. Oui. C'est vrai. Eh oui, avec SNCF, tout est possible. Et c'est clair, dans les trains à vapeur d'autrefois, tout pouvait arriver. Même des aventures improbables, comme dans ce train présidentiel allant à Montbrison en 1920. Le train roule dans la nuit. Le président, qui paraît très fatigué, s'est couché en partant. Ce n'est qu'à Roanne qu'on s'arrête. Les journalistes au wagon-restaurant prennent leur petit déjeuner lorsque la stupéfiante nouvelle se répand. On a perdu le président. L'enquête allait montrer que le président, à 23h55, entre les stations de Minière-Gondreville et de Lorcy-Corbeil, s'était penché distraitement par la fenêtre et était tombé du train. Il avait été recueilli, la face tuméfiée, par un garde-barrière, auquel il avait dit « Je suis le président de la République ». Bien entendu, le garde-barrière s'était frappé le front et avait emmené charitablement chez lui celui qu'il prenait pour un fou. On le sait, quelques jours plus tard, M. Paul Deschanel était obligé de donner sa démission. Le président de la République était donc tombé du train, seulement vêtu d'un pyjama. La honte. La femme du garde-barrière qui a recueilli le président Deschanel a déclaré à la presse qu'elle avait tout de suite su que c'était un personnage important, car il avait les pieds propres. Tu m'étonnes. Mais si le transport ferroviaire domine au début du XXe siècle, il est de plus en plus concurrencé par l'automobile. Les compagnies ferroviaires subissent la crise des années 30, ce qui conduit l'État à nationaliser les chemins de fer. C'est la naissance de la SNCF en 1938. Mais la crise économique fait que des projets grandioses d'extension du réseau ferré sont hélas suspendus. Qui sait quand est-ce qu'on va passer ce chalet ? Qui sait quand est-ce qu'on va le percer ce tunnel ? N'oublions jamais que la France et l'Angleterre, entre elles, il n'y a qu'un tout petit bras de mer. Qui sait quand est-ce qu'on va passer sous le chalet ? Qui sait quand est-ce qu'on va le creuser ce tunnel pour aller de l'Élysée à Buckingham, y aura qu'à suivre le macadam. Suivre le macadam pour aller de l'Élysée à Buckingham, c'est un rêve ancien car les premiers projets d'un tunnel ferroviaire sous la Manche datent du 19e siècle. D'ailleurs, dès 1883, quand est abandonné le premier projet, près de 1800 mètres avaient déjà été creusés côté anglais et côté français. D'ailleurs, il est où aujourd'hui le trou du quai ? Par la suite, d'autres projets ont échoué avant que l'on puisse enfin réaliser et inaugurer le fameux tunnel, ce qui fut fait en 1994. Du côté français, toutes les montres se sont arrêtées à 12h40 pour fixer cette image inoubliable, l'arrivée d'un train britannique sur le sol national. Surgissant du tunnel, le train royal s'est arrêté tout doucement face au TGV présidentiel. La reine et le président ont pris place ensuite dans une navette du shuttle. 35 minutes plus tard, ils étaient à Folkestone, le terminal britannique. Coquel, Dominique André, France Inter. Alors voilà, il aimait bien les trains, Mitterrand. Sans doute parce que son grand-père avait été chef de service des chemins de fer Paris-Orléans et son père chef de gare pour la même compagnie. D'ailleurs, président Mitterrand, il aime tellement les trains que tu le retrouves le 23 septembre 1981 pour une date importante dans la grande histoire des chemins de fer. Eh messieurs, bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV, train à grande vitesse, en effet 2h40 pour relier Lyon et Paris. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. L'image marquante de ce voyage inaugural, c'est bien sûr celle du président de la République dans la cabine de conduite du TGV entre Mâcon et Montchanin. Le TGV roule alors à 260 km/h. 18h50, il fait nuit quand François Mitterrand descend de la cabine de conduite et reçoit les honneurs militaires. Au-delà de ce qu'il représente sur de plans technologiques et industriels, j'insisterai sur le fait que le TGV est un train pour tous. C'est pourquoi je salue le TGV comme un élément de conquête d'un nouvel espace de liberté, le droit d'aller et de venir, la possibilité pour tous d'élargir ces espaces de vie. Ainsi, pour président Mitterrand, le TGV, c'est un train pour tous qui permet à chacun d'aller et venir et c'est aussi la possibilité d'élargir ces espaces de vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les discours, le moyen de transport à la mode, ce n'est plus le TGV, mais plutôt le charter, direction le sud ou l'Orient en express. Il est loin le temps où tu montais dans un train qui file vers Budapest. Tu es monté dans ce train vers Budapest, comme toujours ton instinct t'amène au plus loin. Et le train s'engouffre dans la vallée obscure et tu te laisses porter, flotter, bercer par cette rivière électrique. Tu sais que jamais, jamais tu ne pourras te noyer. Meilleur pour toi, tu à choisir. La fille de l'Est, celle dont rêve Arthur H sur son nouvel album intitulé « Adieu tristesse ». Oui, adieu tristesse mon cher Arthur, car bientôt la fille de l'Est, la marchande de Bretzel ou la pute de Francfort par exemple, ne seront plus qu'à 3h40 de Paris grâce au TGV Est qui sera inauguré le 10 juin 2007. Alors, pour continuer notre balade le long de la voie ferrée, après avoir survolé l'histoire de ce moyen de locomotion mythique qu'est le train, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser aux différents personnages que tu peux croiser dans un wagon ou dans une gare. Parfois, lorsque tu voyages en train, tu regardes autour de toi et avec une certaine nostalgie, tu te dis « bon sens que les choses ont changé ». Tu te souviens qu'autrefois, par exemple, le train sifflait une, deux, voire trois fois. Tu te souviens également qu'il y a bien longtemps, dans ton wagon de troisième classe, tu pouvais croiser un type avec un long manteau, l'air patibulaire, qui descendrait un peu plus tard à la gare d'El Paso pour braquer la banque. De la même manière que sont devenus tous ces aristocrates grabataires de l'Angleterre victorienne qui se rendaient au carnaval de Venise par l'Orient Express, disparus eux aussi. Et puis, même le chef de gare a disparu en France en 1987. Et oui, le grade de chef de gare n'existe plus, tristesse. Mais bon, rassure-toi immédiatement, car tout n'a pas disparu. Oui, aujourd'hui comme hier, dans un train, il y en a un qui est toujours là, fidèle au poste, le shérif du rail. Billet, s'il vous plaît. Ah, vous avez pas composté votre ticket? Non, comprendre. Pas composté. Composé? Non, composté. Il fallait Stong à la gare. Stong à la gare? Non, comprendre. Qu'est-ce que c'est Stong? À la gare, you Stong. Il y a un problème? Oui, il y a le problème de la passagère étrangère qui n'a pas composté, qui ne parle pas un mot de français. On s'en fout, elle n'a pas composté, elle n'a pas composté. Eh oui, elle n'a pas composté, elle n'a pas composté. On s'en fout, elle paiera l'amende forfaitaire au contrôleur. Ah, le contrôleur SNCF avec sa jolie casquette de flic américain. Sans lui, le train ne serait plus tout à fait le train. Enfin bon, c'est vite dit ça aussi. Et puis, il y en a un autre dans le train qui lui aussi est toujours là, mais comme autrefois, on ne le voit jamais. Et pourtant, il est indispensable. Le jeune conducteur du train de marchandises qui va de Saint-Brieuc jusqu'à Romorantin, transportant du charbon, du poisson, des cerises. Ce conducteur disait, j'avais le gros béguin pour la gare de Barrière, de Pouilladin sur Grive. Et chaque fois qu'il passait au passage à niveau, hop, il ralentissait sa grosse locomotive pour lui chanter cet air issu de son cerveau. Roule, roule, mon joli train, je sens rouler aussi mon âme et ma cervelle. Grince, grince, grincez mes freins, je sens grincer mon cœur, pour toi ma belle. Et ben voilà, là aussi la jolie gare de Barrière, elle a quasiment disparu. Désormais, les passages à niveau sont automatiques, tout fout le camp. Oui, l'univers des chemins de fer a beaucoup changé. Quoique encore une fois, ça dépend. Dans un train, il y a des poches de résistance au changement. Dans les wagons de première classe, par exemple, les voyageurs, eux, sont restés strictement les mêmes. Dans mon wagon, un homme d'affaires fume son gros cigare. Il a pollué l'atmosphère jusqu'au fond du couloir. La dame qui m'empêche de passer vient de Monte Carlo. Je l'ai déjà vu l'an dernier, ah, elle a pris 20 kilos. C'est pour la France, quand on n'est pas pressé, c'est les vacances tout au long de l'année. Alors, au bout du compte, ce qui a le moins changé sans doute dans l'univers des trains, c'est l'ambiance que tu retrouves dans les gares, les kiosques à journaux, les militaires qui rentrent de permission, cette énorme cohue qui se rue vers le quai du départ dès qu'il est affiché sur le grand tableau noir. D'ailleurs, Dans ces moments-là, on se croirait à Wall Street, lors d'un krach boursier. « Ça y est, c'est la voie 12, vas-y, fonce, fonce, on est voiture 8 !» Et là, dans cet énorme tourbillon, heureusement que pour les plus faibles d'entre nous, il reste Fredo. « Ben voilà, c'est moi, Fredo le porteur. Ce que j'en vois défiler des gens du matin au soir dans la gare, ou ce qu'on dit qu'ils sont si bizarres, des décidés, des hésitants, des pressés, des qui prennent leur temps. » Tandis que moi, je prends leurs valises. Et dans tous ceux-là qui s'en vont, on n'en voit jamais un qui se dise « Le porteur, peut-être qu'il trouverait ça bon de monter avec nous dans le wagon. » Alors, je reste Fredo le porteur. Oui, le long des quais, il reste Fredo le porteur. Et puis, dans ces halls de gare, justement, il y a aussi et toujours l'amour. La tristesse éternelle de ceux qui doivent se séparer et qui pleurent comme des cons sur le quai. La joie de ceux qui s'y retrouvent, mais aussi les couples illégitimes qui s'y donnent rendez-vous pour partir en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons, viens voir les fontaines, viens voir les pigeons, viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Taxi vite, ballon à la gare de Lyon. Et puis, au milieu de cette marée humaine, il y a bien sûr au cœur de la gare ceux qui courent après leur train. Ils se croyaient à l'heure, ils sont en retard, alors ils se précipitent en bousculant la foule pour prendre le train en marche. Je crois très honnêtement que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de bien pour l'avenir de la France. Maintenant, je peux me tromper, comme tout le monde. Vous êtes déjà parce que trompé. Moi, vous savez, il serait de gauche, je serais pour Sarkozy aussi. Ah, c'est pas ses idées, c'est plutôt l'homme. L'homme, je crois à l'homme. Juste un mot, c'est une affaire de famille, parce que vous avez adhéré à l'UMP, votre fils David aussi. Oui, votre, et ma femme aussi. Votre femme aussi. Oui. Donc on fait ça en famille. Écoutez, on soutient quelqu'un auquel on croit, hein, et pour la France, c'est pas pour nous qu'on le fait. Ouais. Et oui, Johnny a donc pris le train en marche, le Sarkozy Express. Et en plus, il a pris une carte de réduction famille nombreuse, dis donc. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur les situations que tu peux rencontrer dans un train ou dans une gare, il faut désormais évoquer le voyageur vicelard, celui qui a décidé de te pourrir la journée. Le mieux, je crois, c'est d'écouter cette petite histoire de Tristan Bernard que te raconte avec bonheur Fabrice Luchini. On écoute ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Un jour, c'était au début du siècle, au cours d'un voyage en chemin de fer, Tristan Bernard, vous connaissez Tristan Bernard, un immense homme de théâtre, grand écrivain merveilleux, Tristan Bernard est pris à partie par un voyageur dans un wagon de première classe où se trouvait également une dame. Le voyageur reprochait à Tristan Bernard de s'être mis à fumer la pipe dans un compartiment non-fumeur. Vous auriez pu au moins demander la permission à cette dame. Tristan Bernard ne dit pas un mot et continue de fumer sa pipe. Le voyageur s'énerve, menace d'appeler le chef de gare au prochain arrêt. Mutisme absolu de Tristan Bernard qui n'ouvre toujours pas la bouche. Le train arrive en gare. Le voyageur appelle le chef de gare, lui explique l'inconvenance de Tristan Bernard. Pas compartiment fumeur, pas demander la permission, le somme de s'expliquer. C'est alors que Tristan Bernard se tourne vers le chef de gare et lui dit « Demandez donc d'abord à cette dame pourquoi elle voyage en première avec un billet de troisième. » Stupeur absolue dans le wagon. On oublie complètement l'histoire de la pipe. Le chef de gare ne pense plus qu'à l'intérêt de sa compagnie. Demande le billet à la dame. Billet de troisième, en effet. La prie de sortir. Le train repart. Vous imaginez ? Le train repart. Tristan Bernard est seul avec le voyageur. Mais comment avez-vous pu faire un affront pareil à une dame? Et puis d'abord, comment vous avez pu savoir que son billet était un billet de troisième? Et Tristan Bernard a répondu, eh bien parce qu'il était de la même couleur que le mien. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone? Friend, I need to know this, 'cause I noticed you're smiling out of the sun, having fun and feeling free. keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. My girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Smiley Faces, c'est ce que te propose le groupe Niels Barclay, Smiley Faces, parce que si tu as resquillé, c'est mal, et que le contrôleur de la SNCF se pointe, tu as tout intérêt, crois-moi, à accrocher un joli sourire à ta face. Alors pour poursuivre notre voyage sur le réseau ferré, il est temps maintenant à 11h33 de te raconter cette mystérieuse affaire qui s'est déroulée dans le train qu'ont emprunté tous les dirigeants socialistes le week-end dernier pour se rendre à Lens afin de participer au grand oral des candidats. Ainsi, il y a quelques jours, tous les ténors du Parti socialiste se sont donné rendez-vous à la gare du Nord pour prendre le TGV qui doit tous les conduire à Lens. La veille, Nicolas Sarkozy a mis au point un stratagème redoutable. Persuadé que Ségolène Royal aura dans ses valises le contenu de ce qu'elle va raconter à la tribune lensoise, Sarkozy envisage de lui subtiliser ses bagages durant le voyage. Ainsi, Nicolas découvrira quels sont les projets de Ségolène pour la France. Il demande donc à Brice Hortefeux et Patrick Devedjian, deux fidèles lieutenants, de grimper discrètement dans ce train, alors que lui, Nicolas, sera déjà à bord déguisé en contrôleur. Les deux compères devront faire diversion pendant que Nicolas dérobera les valises de Ségolène. Ainsi, à 21h12, le TGV socialiste quitte Paris et les deux complices de Nicolas Sarkozy ont réussi à monter à bord. Mais pour eux, la situation n'est pas très confortable. D'ailleurs, Patrick Devedjian s'en inquiète. T'es bien installé ? Ben non, je suis pas bien installé. Je suis sur les roues. Voyager dans ces conditions. Puis je vais te dire une bonne chose, hein. Tout ton plan est foireux. On réussira jamais, hein. Ainsi, Brice Hortefeux ne semble pas convaincu par la tactique mise au point par Devedjian. Nous la découvrirons plus tard. Cela dit, au même moment, dans la voiture numéro 3, François Hollande s'aperçoit brusquement que Lionel n'est pas avec eux. Diable ! Il décide immédiatement de l'appeler sur son portable et Jospin lui répond en effet que... J'avais un vieil horaire d'hiver, un horaire périmé, un vieil horaire de l'année dernière. Oh. Un train manqué, des pas perdus, sur le quai de la gare du temps. Un train manqué, rien ne va plus. Les trains se font rares. Bon, peu importe, François Hollande se dit que Lionel a encore raté son train, mais bon, il les rejoindra très tôt demain matin à Lens. C'est à ce moment-là, déguisé en faux contrôleur donc, avec une fausse moustache, que Nicolas Sarkozy entre dans le wagon socialiste. Coucou, me voilà, je suis le contrôleur dans mon costume qui vous fait peur. Je terrorise de mon regard vengeur et dans mon train, je suis un vrai chasseur, je suis un contrôleur. Contrôleur. Le roi des contrôleurs. Jack Lang, qui se trémousse, fait alors remarquer à Martine Aubry que ce petit contrôleur nerveux lui rappelle vaguement quelqu'un. François Hollande, lui, responsable du groupe, s'avance alors vers celui qu'on croit être le véritable contrôleur et lui tend sa carte de réduction. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. Oui, voici la carte Kiwi. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi et on voyage à moitié prix. Nicolas Sarkozy, faux contrôleur, ne connaissant pas vraiment la grille tarifaire de la SNCF, n'ose rien dire et pense donc que la carte Kiwi est toujours d'actualité. C'est alors que Brice Hortefeux et Patrick Devedjian, planqués à l'entrée du wagon, décident d'entrer en action et de mettre à exécution leur fameux plan d'attaque. À zéro, tu lances les boules puantes. Oui, mais t'es sûr que c'est efficace? Je les ai essayés. C'est dégueulasse. 3, 2, 1, 0! Ça est vraiment curieux, cette odeur dans le wagon, tu sais. Une odeur. Moi, je ne sens rien, moi. Ce sont deux touristes belges qui sont tout d'abord surpris par cette odeur nauséabonde. Et puis, très vite, les ténors socialistes ne peuvent plus rester là. L'air est irrespirable et ils décident alors de se réfugier au wagon-restaurant. Une fois là-bas, Ségolène tombe nez à nez sur de véritables contrôleurs. Et visiblement, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de compostage? Un truc aussi idiot que cela? Si c'est cela, dites-le-moi. Baissez d'un ton, madame. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez gagné votre place. Bon, écoutez, je vous préviens, je suis avocate et avec moi, vous n'aurez pas le dernier mot. Alors vous, vous êtes avocate et moi, je suis ministre des Transports. Écoutez, alors, si vous vous mettez vous aussi à faire de l'humour, alors... Bon, si vous croyez que ça nous impressionne, vous vous trompez lourdement, ça nous impressionne pas du tout. Pas du tout, on a l'habitude, on en voit d'autres, hein, tout le temps. Alors, je reconnais que vous avez du bagou, en tant qu'animatrice dans une grande surface, là, vous feriez un malheur. Ou opus ? Ah oui, vendeuse opus, là, vous pourriez faire illusion, vous voyez ? Sarkozy profite alors que le wagon socialiste se soit complètement vidé pour dérober les deux valises qui se trouvaient au-dessus de la place occupée par Ségolène. Et en même temps, il fourre à toute vitesse sa fausse veste de contrôleur dans un bagage au hasard. Quand, tout à coup, il n'en croit pas ses yeux. Président Chirac lui-même est assis tout au fond du wagon. Incroyable ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Lui demande Nicolas. Président Chirac lui répond que... Oh, je voyage gratos. Oh ouais, je saute à bord de ce tortillard chaque fois que l'envie m'en prend. Ce train est à moi. Oh ouais. C'est comme si j'étais le roi de ce train. Oui, le roi du Borex. En fait, je suis le roi. Effrayé, Nicolas ne s'attarde pas ici. Il se précipite hors du wagon et confie les deux valises volées à ses deux complices. Le train s'arrête alors en gare d'Arras pour une courte pause. Les trois compères y descendent et se séparent. Nicolas rejoint Paris tandis que l'allure un peu louche des deux autres gugus inquiète immédiatement un agent de la police ferroviaire. Qu'est-ce que c'est que ces valises? Ah, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'il y a dans ces valises? Écoutez, monsieur l'agent, je ne vais pas vous raconter de boniment. Ce matin, je suis allé faire un tour dans ma propriété de Verrières. Remarquez, c'était pour faire plaisir à ma femme. Je ne voudrais pas la contrarier, elle est enceinte. Vous êtes peut-être marié, monsieur l'agent? Oui, je n'ai pas d'enfant. J'arrive à Verrières, mon domestique m'attendait à la gare. C'est cet homme-là? Oui, il n'a peut-être pas inventé la poudre, mais il est bien dévoué. Oui, il en a l'air. Il y a des papiers? Oui. Oh, si j'ai des papiers, monsieur l'agent, moi j'en ai plein de papiers. Les deux compères s'enfuient alors à toute berzingue. Au même moment, de retour à sa place dans le train, Ségolène ouvre sa valise et s'aperçoit qu'on y a fourré une veste de contrôleur SNCF. Elle semble être inquiète. président Chirac, toujours présent, s'approche d'elle et lui demande. Quand avez-vous ouvert votre sac en dernier ? Hier soir, je l'ai entièrement vidé. Si vous l'aviez vidé, pourquoi l'avez-vous rouvert ce matin ? Pour y remettre quelque chose, parbleu. Une fois de plus, grâce à vous, tout va de mieux en mieux. Il manque le bouton. Et oui, et aussi celui à qui appartenait cette veste et qui a quitté le train. Vous retournez au wagon-restaurant ? Ah, ça oui ! J'aurais bien trop peur dans mon compartiment avec tout ce qui se passe. Auriez-vous la gentillesse de dire au maître d'hôtel qu'il dispose les tables et les chaises en sorte que M. Blanchet et moi-même soyons en face de tous les voyageurs lorsque je leur dévoilerai la vérité ? Ainsi, quelques minutes plus tard, au wagon-restaurant, président Chirac, qui a tout vu, raconte donc au ténor socialiste qu'en réalité, Nicolas Sarkozy s'est gouré et qu'il a volé les deux valises des deux touristes belges. Hilarité générale. Cela dit, Ségolène a retenu la leçon. Pour elle, il faudra être prudent et désormais ce sera... Voyage sans bagage comme un oiseau dans le soleil. Visage et paysage ont l'importance du journal de la veille. Voyage sans bagage comme un oiseau dans le soleil. La joie d'un cœur qui bat, ça ne s'emporte pas. Laisse les valises à ceux qui ne voyagent pas. François Hollande lui répond que c'est un peu excessif, mais Ségolène est une femme autoritaire et personne ne lui dira ce qu'elle doit faire. Qu'il le veuille ou non, François devra s'y faire. C'est comme ça, c'est ce que pensent les Rita Mitsuko en 1986 sur l'album intitulé The No Comprendo. Parce que quand la SNCF décide pour des raisons budgétaires de fermer des petites lignes qui ne lui rapportent pas assez afin de favoriser les grandes lignes TGV, eh bien t'as rien à dire, c'est comme ça. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, pour continuer notre voyage sur les réseaux ferrés, il est grand temps de retrouver à 11h45 nos deux héros de première classe, les merveilleux Monique et Jean-Claude, qui ont vécu, il y a quelques semaines, une aventure ferroviaire extraordinaire. En effet, il y a quelques temps, Monique et Jean-Claude ont dû se rendre à Biarritz pour fêter les 40 ans de mariage des parents de Monique. Une véritable corvée pour le Jean-Claude. Monique, elle, voulait prendre le TGV pour arriver plus vite. Mais Jean-Claude, lui, a refusé tout net, c'est trop cher. Alors pas de TGV, ils prendront un train couchette. De toute manière, Monique, elle s'en fout de partir ou non en TGV. Ce qu'elle aime, Monique, c'est le train, tous les trains. Tchou, tchou, le petit train, rock à dos, le malin, tire, tire ses wagons, en sifflant une chanson. Monique est ravie de partir pour un week-end à Biarritz. Nos deux héros se retrouvent donc gare Montparnasse, bienvenue, et se rendent directement dans leur train-couchette. Monique, qui est une citoyenne responsable, insiste pour que Jean-Claude écrive son nom et son adresse sur son bagage. Lui, il refuse en disant que « ouais, on est en République, il en a marre de l'État policier, et puis Sarko, il n'est pas encore président ». D'après Jean-Claude, rien ne peut l'obliger à mettre une étiquette pourrie sur sa jolie valise. Quand, soudain... Jean-Claude. Jean-Claude. C'est Simone, la voix de la SNCF. Alors écoutez, je suis vraiment désolée, mais vous devez absolument étiqueter vos bagages. C'est pas compliqué quand même. Monique et Jean-Claude, qui n'avaient pas pris le train depuis plusieurs années, sont fascinés par les efforts réalisés pour améliorer l'accueil. Jean-Claude griffonne donc rageusement ses coordonnées sur l'étiquette. Arrive alors, dans leur compartiment couchette, un jeune couple avec un enfant. Tout le monde s'installe, le train part, c'est le début du merveilleux voyage. Comme il n'est pas très tard, Monique propose à Jean-Claude de lire un peu avant de s'endormir. Jean-Claude, les magazines, ça ne l'intéresse pas, mais alors pas du tout. Monique ne comprend pas la réaction de Jean-Claude. Elle aime les magazines. Sans eux, elle ne pourrait pas savoir qui couche avec qui. Du coup, Monique lit et Jean-Claude boude. C'est alors que dans le compartiment couchette, l'enfant se met à pleurer. Dans un premier temps, Monique ne dit trop rien quand, au bout d'un moment, ses nerfs lâchent. Les parents, assez mal à l'aise, fourrent une énorme tétine dans la bouche de l'enfant. Jean-Claude, lui, décide carrément de sortir du compartiment et d'aller faire un tour au wagon-bar. Il traverse tout le train sans rien trouver quand il rencontre le contrôleur, à qui il demande où il peut trouver à boire dans ce foutu train. Le contrôleur, blasé, lui répond que... Un train de nuit, c'est déjà la province. Un train de nuit, c'est déjà Quimperlé. Les gens roupillent et les grosses roues grincent comme sous le vent un vieux coq de clocher. Y'a rien à boire, la nuit on ne boit pas. On dort fiston comme au village éteint ou dans des lits de chêne sous leurs draps. Les hommes ronflent en rêvant de putain. Mais Jean-Claude, lui, ne peut pas rêver de putain puisqu'il n'arrive pas à dormir. D'ailleurs, il est hors de question qu'il retourne dans son compartiment où un môme chiale depuis une heure. Monique, quant à elle, s'est déjà confortablement installée dans sa couchette. Seules les lumières saccadées venues de l'extérieur éclairent le wagon d'une lueur bleutée. Cette nuit, Monique se sent bien dans ce train. Elle place sur ses oreilles les écouteurs de son baladeur. Elle savoure sa musique quand soudain... Monique est tétanisée. Elle avait oublié combien voyager en train de nuit voulait dire promiscuité. Son voyage s'annonce donc long, très long. Tout aussi long que celui de Jean-Claude, qui est toujours dans le couloir. Car Jean-Claude, il ne trouve ni le sommeil, ni son compartiment. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu? Quand tu es dans mes bras, que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Où es-tu? Quand tu es dans mes bras. Jean-Claude erre donc de voiture en voiture, seul dans la nuit, quand il rencontre un autre sans sommeil. C'est une dame, grande, belle, dans une longue robe noire, elle est seule. Jean-Claude s'approche et lui sourit. Il entame alors une conversation comme seuls peuvent en avoir des insomniaques dans un train de nuit. D'ailleurs, Jean-Claude lui demande à la belle inconnue si elle aime voyager en train. La réponse est directe. Quant à moi, ce que j'aime le plus, c'est de loin tous les omnibus. J'aime m'allonger sur le dos au fond d'un wagon à bestiaux. J'aime les omnibus. Non, non, je n'en dirai pas plus. Avant que ça ne devienne indécent, terminus tout le monde descend. Cette femme intrigue de plus en plus Jean-Claude. L'atmosphère envoûtante de ce train traversant la nuit, la magie de cette rencontre et le physique de cette femme lui font espérer le partage crapuleux d'une même couchette. La conversation atteint la chaleur d'une locomotive lancée à pleine vitesse, mais elle est interrompue par la sonnerie du téléphone portable de la dame. Allô, bébé, ça va ? Oh, mon cœur, ça va et toi ? Ouais, ça va et toi ? Ouais. Alors ? Ouais. Bébé ? Ok. Bébé ? Je te manque. Attends, bien sûr, tu me manques. Bisous, ouais, chérie. Bisous. Bisous. Jean-Claude comprend alors que cette dame allait commettre un adultère. Il est outré qu'une femme puisse se comporter ainsi. Avec Jean-Claude, on ne plaisante pas avec la morale. Il décide donc de laisser là cette femme infidèle et il entre dans le premier compartiment venu où il se couche et s'endort. Mais quand à 6h du matin, le train arrive enfin en gare de Biarritz, pour Jean-Claude, dont la nuit fut presque blanche, le réveil n'est pas simple. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Engourdi par le sommeil et prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. Jean-Claude se réveille, vaille que vaille, dans un compartiment inconnu. Il est perdu, seul, sans Monique, dans une gare sans repère. Quand soudain... Monsieur Jean-Claude est attendu par Madame Monique au point accueil situé dans le hall arrivée. Jean-Claude se précipite donc dans le hall arrivée pour retrouver sa Monique. En route, il ne manque pas d'embarquer 2 ou 3 couvertures et autant d'oreillers, c'est toujours ça de prix. Fin de l'histoire, aller en train couchette à Biarritz fut mouvementé pour nos deux héros, mais cela aurait pu être bien pire en allant à Saint-Tropez. Yeah, hier soir, j'ai pris le train pour aller à Saint-Tropez. Et dans mon wagon lit, dès que je suis arrivé, j'ai voulu monter mes valises dans le filet. J'ai tout pris sur la gueule parce que le train démarrait. Oh oh oh oh oh oh. Twist SNCF. Sur la couchette du dessus, un type s'est mis à gueuler. Et tout en m'engueulant, brusquement, il s'est penché. Je voulais lui dire attention, vous allez tomber. Il fait un vol plané par terre, s'écrase le nez. Oh oh oh. À l'heure du dîner, je vais au wagon restaurant. Je me dis, je vais me régaler, je vais m'enfourrer jusqu'au temps. On me donne un potage, le train s'arrête brusquement. Et la soupe m'arrive en pleine gueule instantanément. Oh oh oh oh oh oh oh. SNCF. Avant de me coucher dans le couloir, je vais fumer. Et voilà que ça mène une très jolie poule. Avec les carreaux, j'ai jamais pu y arriver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le twist SNCF, c'est ce que chante Henri Salvador en 1962 sur un album intitulé « Le lion est mort ce soir ». C'est vrai qu'en ce moment, avec les craintes de la privatisation de la SNCF, ça twiste pas mal sur les réseaux ferrés et il ne faudrait pas que ce soit la gazelle du service public qui meure ce soir. Alors nous voici donc arrivés au terminus de notre voyage à toute vapeur dans l'univers des trains. Du président Deschanel en pyjama à Nicolas Sarkozy en contrôleur, du TGV des socialistes au train de nuit de Jean-Claude et de Fredo le porteur dans la gare Saint-Lazare au pétomane dans le compartiment de Monique, nous t'avons dressé un panorama subjectif et très décalé de ce que peut être le train. Alors c'est quoi la SNCF? Eh bien aujourd'hui c'est encore un grand service public qui rivalise allègrement avec les compagnies aériennes sur les voyages intérieurs. C'est surtout des milliers d'hommes et de femmes qui permettent à chacun de se déplacer partout en France. La SNCF c'est aussi une entreprise de transport de marchandises qui est maintenant concurrencée par des sociétés privées. Ainsi, le 13 juin 2005 circulait en France le premier train privé de marchandises. Un beau bordel qui s'annonce et ça ne nous fait pas rêver. Quel est le premier train qui vous fera danser? Invitez des copains qui savent bien danser, ouais. Allez danser sous le pont-porche. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser sous le locomotion, non, oui. C'était Sylvie Vartan, la locomotive des 60s. Voilà, terminus du 45e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de rien avoir oublié à bord. C'était C'est quoi le train, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archiloufoque. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Michel Bertin et de Alain Gadan, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard et à Nicolas Ossard, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefailleur pour ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chaligne, documentaliste de l'INA, ainsi qu'à la SNCF pour sa sympathique participation. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain. Mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.